Vous écoutez Futur Simple sur CKRL au 89.1 et on va rebondir sur une actualité marquante de cet été, le déraillement d'un train à Mégantic. Alors, plusieurs questions d'ordre scientifique sont en suspens autour de cette tragédie. La nature du pétrole transporté, la contamination du sol, contamination de l'eau, le choc traumatique sur les personnes, le transport des matières dangereuses. Et il y a aussi la question de la ou les responsabilités. Alors, c'est sur ce point que nous allons aborder maintenant et plus précisément que nous allons vous donner à vous la chance de débattre. Alors, on ne va pas débattre ici à la radio, mais ça va se passer sur le web. C'est une initiative conjointe de l'agence Science Presse, de l'Association francophone pour le savoir et de Québec Science. Et j'ai au bout du fil Pascal Lapointe, qui est rédacteur en chef de l'agence Science Presse et qui va nous expliquer ce projet. Bonjour, monsieur Lapointe. Bonjour. Alors, juste quelques mots peut-être pour commencer. J'aimerais mieux savoir un petit peu ce que c'est l'agence Science Presse. Donc, on comprend agence Science Presse, comme son nom l'indique, mais c'est aussi, c'est pas seulement ça, vous avez déjà plusieurs initiatives à votre compte pour tenter d'établir des discours, des dialogues entre le public, la recherche, le monde politique. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Ben, on essaie effectivement de faire tout ça, mais on se rend compte à quel point la science est un peu le parent pauvre, malheureusement, dans les discussions de société ou les discussions de salon. Puis, comme sur Internet, on a eu l'occasion depuis 10 ans, 15 ans maintenant, de beaucoup expérimenter à l'agence. On a été les premiers à lancer des blogs de science dans la francophonie en 2005. Puis, bon, on est très présent sur Facebook, sur Twitter. Alors, effectivement, cette idée-là qui s'appelle maintenant Escarmouche, a germé il y a 2 ans de créer des discussions sur Internet, essayer de voir si on peut pas faire lever un forum de discussion. Ben, les quelques partenaires autour de la table que vous venez de nommer, Québec Science, l'ACFAS, ben, constatant qu'à l'agence, on avait quand même cette longueur d'avance dans comment est-ce qu'on réfléchit, comment est-ce qu'on crée des discussions, des conversations sur Internet, ben, on s'est retrouvé à piloter ce projet-là, puis en faisant une expérience, une façon de voir. On sait combien il y a quand même beaucoup d'endroits où discuter sur Internet, mais des endroits où discuter de science, ça manque. Et des endroits qui seraient encadrés, dans lesquels on pourrait référer à des articles de référence, à des données, c'est pratiquement inexistant en français. Alors, tout ça fait un peu épars, éparpillé, mais en même temps, s'il y avait cette idée-là que, ben, il y a peut-être un besoin à combler, là. Un endroit où on peut discuter sans se faire troller, si vous me passez l'expression, et discuter de façon plus rigoureuse, plus sérieuse, de sujets qui nous concernent tous. Mais il y a déjà des blogs, peut-être même des blogs de l'agence Science Presse, même qui abordent des fois des questions où on peut un petit peu débattre avec l'auteur du blog et qui sont quand même des questions à débattre parfois. Absolument. Donc, est-ce que ça va apporter quelque chose en plus? Est-ce que c'est d'autres types de sujets qui vont être abordés ou est-ce que le dialogue va être différent? C'est certain. Différent, je ne sais pas. C'est le fait que ce soit conjoint des trois organismes, on espère effectivement aller chercher une clientèle différente, mais ça, il faudrait qu'on se reparle, vous et moi, dans un an pour voir la différence avec la vôtre. J'ai mis ici derrière la tête, mais ce serait trop tôt pour en parler. Mais par contre, effectivement, par rapport au blog, vous soulevez quelque chose d'intéressant. La particularité d'un blog, c'est que chaque blogueur a sa personnalité et va choisir les sujets en fonction de ses intérêts. Pour les uns, c'est la chimie, pour les autres, ça peut être le cinéma. Alors qu'avec Escarmouche, on essaie de se centrer sur des enjeux sociaux. Ce ne sera pas des débats sur des trucs pointus en science, la nécessité de choisir tel composé chimique pour améliorer la croissance de telle chose. On se concentre sur des enjeux sociaux, mais qui ont une connotation scientifique, comme par exemple le tout premier que vous mentionnez tantôt, le lac Mégantic. Forcément, il y a abondamment de science. On ne parlera pas dans cette discussion-là des déboires de la compagnie MMA ou de la responsabilité ou du fait que les chemins de fer sont mal entretenus, mais cette question du pétrole, notre dépendance au pétrole, quelle est notre part de responsabilité comme société dans le fait qu'on transporte de plus en plus de pétrole par train? Donc, des enjeux sociaux qui sont dans l'actualité et qui ont clairement une connotation scientifique. Et s'il y a une différence par rapport au blog individuel, ben c'est ça. Puis donc là, le premier débat est lancé, puis s'intitule Mégantic, sommes-nous tous coupables ou tous responsables? Sommes-nous tous coupables, c'est ça? Est-ce qu'on est tous coupables ou responsables? Puis, il y a des auteurs qui, parmi ceux qu'on cite, qui pointent non pas la compagnie, non pas le gouvernement, mais la société pour sa part de responsabilité, c'est-à-dire pour les choix de société qu'on fait voyez, un des chiffres qui est cité, qui pour moi me semble aberrant, c'est que le transport de pétrole par train a été multiplié par 25 depuis 2008, à cause du gisement qu'on a découvert en Amérique du Nord. Et il y a un des experts qu'on a fait parler là-dedans, nommé Jean-Paul Lacourcière, qui dit qu'écoutez, avec nos réglementations, avec notre acceptation de ce fait-là qu'on transporte le pétrole par train, c'était malheureusement inévitable que tôt ou tard un accident comme ça se produise. Pas nécessairement à Lac-Mégantic, mais quelque part en Amérique du Nord. Alors, c'est dans ce contexte-là qu'on pose la question, ben, est-ce qu'on est tous responsables comme société? Est-ce qu'on n'a pas tous, chacun de nous, une part de responsabilité dans cet accident? Et comment le débat est lancé? Parce que vous l'avez un peu évoqué, il semble qu'il y ait des personnes connues. Bon, M. Lacourcière, je pense, vous avez dit, c'est ça? Donc, le débat est présenté, il y a un texte, il y a des articles qui mettent le débat en jeu pour alimenter peut-être les personnes et peut-être alimenter leur réflexion et les inciter à formuler leurs idées par rapport à ce qui est présenté? Exactement. Bien, vous avez bien résumé l'intention. On espère, avec chacun des débats qu'on va lancer, on va faire notre possible pour trouver des textes de base, de référence, qui peuvent lancer à la fois la discussion et fournir une base de réflexion à des gens. Celui de M. Lacourcière, un texte de Rodolphe Deconinck, géographe à l'Université de Montréal, qui a un texte intitulé J'accuse, qui est publié dans Le Devoir. Donc, on lance pas les gens dans la brume, on leur fournit des bases de réflexion, on leur suggère de lire ça, puis à partir de ça, ben voilà, avez-vous une opinion, qu'est-ce que vous en pensez, comment vous réagissez. On fournit quelques données aussi, quelques données statistiques comme celles que je viens d'énumérer. Et ça, ben bon, ben, vous le savez, c'est la marque de la science, vous faites une émission de science, vous en savez quelque chose. On peut, chaque fois qu'on fait un débat scientifique, il existe quelque part des données sur lesquelles on peut s'appuyer. Puis ce qu'on espère, c'est que s'appuyer sur les données, sortir quelques chiffres, ça va permettre de lancer la discussion sur une voie plus solide, plus rigoureuse que juste, ah ben voilà, il y a ça qui vient de se passer, qu'en pensez-vous? On espère se tenir un peu loin des sondages qui sont bâtis en 3 minutes ou en 5 minutes et qu'on peut trouver un peu partout sur le web. Et est-ce qu'il est prévu qu'il y ait une interaction entre les auteurs de, bon, M. Lacourcière, M. Deconinck, qui présentent des éléments là dans la présentation du débat? Est-ce qu'il est prévu qu'eux-mêmes interagissent sur le forum? Pour l'instant, pour celui-ci, c'est pas prévu. On a prévu de le faire pour certains des débats futurs, mais par contre, il est sûr et certain que si parmi des gens, vos auditeurs, par exemple, qui débarquent sur ça, qui interviennent, si certains d'entre eux posent carrément une question à M. Lacourcière ou à M. Deconinck, pour être sûr qu'on va les inviter, M. Lacourcière ou M. Deconinck, à venir répondre. Mais dans le cas spécifique de ce débat-ci, non, il n'est pas prévu qu'ils ajoutent quelque chose parce que les textes qu'ils ont pondus sont déjà assez complets et forment une bonne base pour, une bonne base de départ pour la discussion. Ça va rester combien de temps ouvert, ce débat? Alors, celui-ci est ouvert pour pendant un mois environ. On espère en faire 6 dans l'année, mais comme on espère prendre une pause aussi pendant l'été, il devrait y en avoir 3 d'ici la fin de l'année, octobre et novembre. C'est quand même assez accéléré. Et alors, on fait comment? On va où pour participer au débat? Alors, on va sur le site escarmouche.ca. Escarmouche la science au débat, et là, c'est facile à trouver, comme il n'y en a qu'un, Lac-Mégantic, sommes-nous tous coupables. Vous voyez le texte et vous pouvez intervenir en vous inscrivant gratuitement au bas de l'écran, au bas du premier texte. Et est-ce qu'on peut savoir quels sont les autres débats à venir? Oui, tout à fait. On veut parler, entre autres choses, de la question de la fraude en science. Les scientifiques sont pas blancs comme neige. J'espère que je décevrai personne en disant ça. Et on a vu ces dernières années beaucoup de cas de malconduite, d'inconduite scientifique qui ternissent beaucoup la réputation de la science. Alors, on va essayer de passer quelque chose d'un peu provocant là-dessus pour amener des gens à réagir à quelle est leur perception de la science ou du scientifique. Comment est-ce qu'on peut arriver à établir une barrière un peu plus étanche entre les intérêts parfois très commerciaux, très mercantiles de ceux qui financent la recherche et les chercheurs eux-mêmes? Je pense que ça va être des sujets fort intéressants à suivre aussi, qui vont peut-être ouvrir les yeux aussi. On n'est pas toujours au courant de tout. Vous avez raison, que rendre le lecteur plus critique, c'est aussi partie des buts d'une discussion comme celle-là. C'est une fort belle initiative. Je vous remercie beaucoup, M. Lapointe, de nous l'avoir présenté. Donc, je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef de l'agence Science Presse. Merci à vous. Et puis, on va mettre le lien d'Escarmouche sur la page Facebook de Futur Simple. Et si la question de la culpabilité ou de la responsabilité vis-à-vis de l'accident de Lac Mégantic vous interpelle, vous saurez où vous exprimer. Alors, on passe maintenant en mode musical, une petite pause sur CKRL 89.1, avant de s'envoler vers le cosmos.